Oui, c'est ce qui a fait dire à Larsan, je découvrirai bien et sans l'aide de personne l'emploi du temps de Robert Darzac. Oh. Vous voyez, quand je vous disais que tout allait mal, j'étais pas en dessous de la vérité. Enfin, pourquoi Darzac se conduit-il de cette façon? D'autant que ça apporte toute l'eau souhaitable au moulin de Larsan, réfléchissait Sinclair. Si c'est Robert Darzac l'assassin, oui. Et si c'était lui qui se trouvait dans la chambre jaune, cela expliquerait du même coup l'attitude du professeur Stangerson. Mais comment ça? Frédéric Larsan prétend que l'assassin n'a pu sortir qu'avec le consentement volontaire du professeur. Et alors? Dans le cas présent, le professeur aurait laissé partir le fiancé de sa fille. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Aujourd'hui, 12e épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rèze, Darzac, Michel Rull. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 août 1983. La chaîne des écrivains s'influençant les uns les autres ou se donnant le déclic pour écrire un roman, policier en l'occurrence, est toujours intéressante à étudier de Poe à Gaborio, de Gaborio à Conan Doyle. Gaston Leroux et son mystère de la chambre jaune ont-ils influencé de futurs écrivains? Réponse. Ce fut aussi à cette époque que j'eus avec Madge une discussion qui devait porter ses fruits plus tard. Nous avions lu une histoire policière. Je pense, car mes souvenirs ne sont pas précis, qu'il s'agissait du mystère de la chambre jaune, qui venait de paraître sous la signature d'un nouvel auteur, Gaston Leroux. Il avait créé un sympathique jeune détective, Rouletabille. C'était un mystère particulièrement déconcertant, bien imaginé et construit, du genre que certains trouvent déloyal, ce qui n'était pas exact, car on doit pouvoir découvrir un petit indice habilement caché. Nous en discutâmes longuement en échangeant nos points de vue. Nous tombâmes d'accord que c'était une des meilleures intrigues du genre. Nous étions des connaisseuses en matière de romans policiers. Madge m'avait initiée très jeune à Sherlock Holmes et j'avais suivi ses traces. Enthousiasmée par tout cela, je déclarai que j'aimerais écrire un roman policier. « Je ne crois pas que tu en serais capable, » répondit Madge. « C'est très difficile à imaginer. J'y ai réfléchi. J'aimerais quand même essayer. »« Eh bien, je parie que tu n'y arriveras pas, » dit Madge. La discussion resta là. Ce n'était pas un véritable défi, mais des paroles en l'air. Néanmoins, à partir de cet instant, je me suis déterminée à écrire un roman policier. Cela n'allait pas plus loin. Je ne me mis pas à l'écrire tout de suite et n'imaginais aucune intrigue. Mais la graine était semée. Extrait de Une vie, une œuvre, Agatha Christie par Jean-Pierre Croquet. Lecture Éléonore Hirt. Réalisation Christine Berlamont, première diffusion sur France Culture le 1er janvier 1992. À suivre, demain à la même heure, et d'ici là à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.